« Odette, lui dit-il, mon chéri, je sais bien que je suis odieux, mais il faut que je te demande des choses. Tu te souviens de l'idée que j'avais eue à propos de toi et de Madame Verdurin? Dis-moi si c'était vrai, avec elle ou avec une autre. » Elle secoua la tête en fronçant la bouche, signe fréquemment employé par les gens pour répondre qu'ils n'iront pas, que cela les ennuie, à quelqu'un qui leur a demandé « Viendrez-vous voir passer la cavalcade? Assisterez-vous à la revue ?» Mais ce hochement de tête affecté ainsi d'habitude à un événement à venir mêle à cause de cela de quelque incertitude la dénégation d'un événement passé. De plus, il n'évoque que des raisons de convenance personnelle plutôt que la réprobation qu'une impossibilité morale. En voyant Odette lui faire ainsi le signe que c'était faux, Swann comprit que c'était peut-être vrai. « Je te l'ai dit, tu le sais bien, » ajouta-t-elle d'un air irrité et malheureux. « Oui, je sais, mais en es-tu sûr? Ne me dis pas « tu le sais bien », dis-moi « je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. » Elle répéta comme une leçon sur un ton ironique et comme si elle voulait se débarrasser de lui « je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. » « Peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de Lagey ?» Swann savait qu'Odette ne se parjurerait pas sur cette médaille-là. « Oh, que tu me rends malheureuse !» s'écria-t-elle en se dérobant par un sursaut à l'étreinte de sa question. « Mais as-tu bientôt fini? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as donc décidé qu'il fallait que je te déteste, que je t'exècre ?» « Voilà, je voulais reprendre avec toi le bon temps comme autrefois, et voilà ton remerciement. » Mais, ne la lâchant pas, comme un chirurgien attend la fin du spasme qui interrompt son intervention, mais ne l'y fait pas renoncer, « Tu as bien tort de te figurer que je t'en voudrais le moins du monde, Odette, » lui dit-il avec une douceur persuasive et menteuse. « Je ne te parle jamais que de ce que je sais. » Et j'en sais toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seul peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr, tant que cela ne m'a été dénoncé que par d'autres. Ma colère contre toi ne vient pas de tes actions. Je te pardonne tout puisque je t'aime. Mais de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier des choses que je sais. Mais comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse? Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu le veux, ce sera fini dans une seconde. Tu seras pour toujours délivrée. Dis-moi sur ta médaille si, oui ou non, tu as jamais fait ces choses. Mais je n'en sais rien, moi ! S'écria-t-elle avec colère. Peut-être il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais, peut-être deux ou trois fois. Swann avait envisagé toutes les possibilités. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités, pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec les légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête, puisque ces mots « deux ou trois fois » marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur. Chose étrange que ces mots deux ou trois fois, rien que des mots prononcés dans l'air, à distance, puissent ainsi déchirer le cœur comme s'ils le touchaient véritablement, puissent rendre malade comme un poison qu'on absorberait. Involontairement, Swann pensa à ce mot qu'il avait entendu chez Madame de Sainte-Verte. « C'est ce que j'ai vu de plus fort depuis les tables tournantes. » Cette souffrance qu'il ressentait ne ressemblait à rien de ce qu'il avait cru. Non pas seulement parce que dans ses heures de plus entière méfiance, il avait rarement imaginé si loin dans le mal, mais parce que, même quand il imaginait cette chose, elle restait vague, incertaine, dénuée de cette horreur particulière qui s'était échappée de ses mots peut-être deux ou trois fois. Dépourvu de cette cruauté spécifique aussi différente de tout ce qu'il avait connu qu'une maladie dont on est atteint pour la première fois. Et pourtant, cette Odette d'où lui venait tout ce mal ne lui était pas moins chère, bien au contraire plus précieuse, comme si au fur et à mesure que grandissait la souffrance, grandissait en même temps le prix du calmant, du contrepoison que seule cette femme possédait. Il voulait lui donner plus de soins comme à une maladie qu'on découvre soudain plus grave. Il voulait que la chose affreuse qu'elle lui avait dit avoir faite deux ou trois fois ne pût pas se renouveler. Pour cela, il lui fallait veiller sur Odette. On dit souvent qu'en dénonçant à un ami les fautes de sa maîtresse, on ne réussit qu'à le rapprocher d'elle parce qu'il ne leur ajoute pas foi. Mais combien d'avantages s'il leur ajoute foi ? Mais, se disait Swann, comment réussir à la protéger ? Il pouvait peut-être la préserver d'une certaine femme, mais il y en avait des centaines d'autres. Et il comprit quelle folie avait passé sur lui quand il avait, le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin, commencé de désirer la possession, toujours impossible, d'un autre être. Heureusement pour Swann, sous les souffrances nouvelles qui venaient d'entrer dans son âme comme des hordes d'envahisseurs, il existait un fond de nature plus ancien, plus doux et silencieusement laborieux, comme les cellules d'un organe blessé qui se mettent aussitôt en mesure de refaire les tissus lésés, comme les muscles d'un membre paralysé qui tendent à reprendre leurs mouvements. Ces plus anciens, plus autochtones habitants de son âme employèrent un instant toutes les forces de Swann à ce travail obscurément réparateur qui donne l'illusion du repos à un convalescent, à un opéré. Cette fois-ci, ce fut moins comme d'habitude dans le cerveau de Swann que se produisit cette détente par épuisement, ce fut plutôt dans son cœur. Mais toutes les choses de la vie qui ont existé une fois tendent à se recréer, et comme un animal expirant qu'agite de nouveau le sursaut d'une convulsion qui semblait finie, sur le cœur, un instant épargné de Swann, d'elle-même la même souffrance vint retracer la même croix. Il se rappela ces soirs de clair de lune où, allongé dans sa victoria qui le menait rue La Pérouse, il cultivait voluptueusement en lui les émotions de l'homme amoureux, sans savoir le fruit empoisonné qu'elle produirait nécessairement. Mais toutes ses pensées ne durèrent que l'espace d'une seconde, le temps qu'il porta la main à son cœur, reprit sa respiration et parvint à sourire pour dissimuler sa torture. Déjà, il recommençait à poser ses questions, car sa jalousie qui avait pris une peine qu'un ennemi ne se serait pas donnée pour arriver à lui faire asséner ce coup, à lui faire faire la connaissance de la douleur la plus cruelle qu'il eût encore jamais connue, sa jalousie ne trouvait pas qu'il eût assez souffert et cherchait à lui faire recevoir une blessure plus profonde encore. Telle comme une divinité méchante, sa jalousie inspirait Swann et le poussait à sa perte. Ce ne fut pas sa faute, mais celle d'Odette seulement, si d'abord son supplice ne s'aggrava pas. « Ma chérie, lui dit-il, c'est fini. Était-ce avec une personne que je connais ?»« Mais non, je te jure. D'ailleurs, je crois que j'ai exagéré, que je n'ai pas été jusque-là. » Il sourit et reprit. « Que veux-tu ? Cela ne fait rien, mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom. De pouvoir me représenter la personne, cela m'empêcherait de plus jamais y penser. Je le dis pour toi, parce que je ne t'ennuierai plus. » C'est si calmant de se représenter les choses. Ce qui est affreux, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais tu as déjà été si gentille, je ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cœur, de tout le bien que tu m'as fait. C'est fini. Seulement ce mot, il y a combien de temps ? Oh, Charles, mais tu ne vois pas que tu me tues ? C'est tout ce qu'il y a de plus ancien. Je n'y avais jamais repensé. On dirait que tu veux absolument me redonner ces idées-là. Tu seras bien avancé, dit-elle, avec une sottise inconsciente et une méchanceté voulue. Oh, je voulais seulement savoir si c'est depuis que je te connais. Mais ce serait si naturel. Est-ce que ça se passait ici ? Tu ne peux pas me dire un certain soir que je me représente ce que je faisais ce soir-là. Tu comprends bien qu'il n'est pas possible que tu ne te rappelles pas avec qui, Odette, mon amour. Mais je ne sais pas, moi. Je crois que c'était au bois, un soir où tu es venu nous retrouver dans l'île. Tu avais dîné chez la princesse des Laumes, dit-elle, heureuse de fournir un détail précis qui attestait sa véracité. À une table voisine, il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'a dit « Venez donc derrière le petit rocher voir l'effet du clair de lune sur l'eau. » D'abord, j'ai bâillé et j'ai répondu « Non, je suis fatiguée, je suis bien ici. » Elle a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil. Je lui ai dit « Cette blague, je savais bien où elle voulait en venir. » Odette racontait cela presque en riant, soit que cela lui parut tout naturel, ou parce qu'elle croyait en atténuer ainsi l'importance, ou pour ne pas avoir l'air humilié. En voyant le visage de Swann, elle changea de ton. « Tu es un misérable. Tu te plais à me torturer et à me faire faire des mensonges que je dis afin que tu me laisses tranquille. » Ce second coup porté à Swann était plus atroce encore que le premier. Jamais il n'avait supposé que ce fût une chose aussi récente, cachée à ses yeux, qui n'avait pas su la découvrir, non dans un passé qu'il n'avait pas connu, mais dans des soirs qu'il se rappelait si bien, qu'il avait vécu avec Odette, qu'il avait cru connu si bien par lui, et qui maintenant prenait rétrospectivement quelque chose de fourbe et d'atroce. Au milieu d'eux, tout d'un coup, se creusait cette ouverture béante, ce moment dans l'île du bois. Odette, sans être intelligente, avait le charme du naturel. Elle avait raconté, elle avait mimé cette scène avec tant de simplicité que Swann, haletant, voyait tout, le bâillement d'Odette, le petit rocher. Il entendait répondre, gaiement, hélas, « Cette blague !» Il sentait qu'elle ne dirait rien de plus ce soir, qu'il n'y avait aucune révélation nouvelle à attendre en ce moment. Il lui dit « Mon pauvre chéri, pardonne-moi. Je sens que je te fais de la peine. C'est fini, je n'y pense plus. » Mais elle vit que ses yeux restaient fixés sur les choses qu'il ne savait pas et sur ce passé de leur amour, monotone et doux dans sa mémoire, parce qu'il était vague et que déchirait maintenant comme une blessure cette minute dans l'île du bois au clair de lune après le dîner chez la princesse des Laumes. Mais il avait tellement pris l'habitude de trouver la vie intéressante, d'admirer les curieuses découvertes qu'on peut y faire, que tout en souffrant au point de croire qu'il ne pourrait pas supporter longtemps une pareille douleur, il se disait « La vie est vraiment étonnante et réserve de belles surprises. En somme, le vice est quelque chose de plus répandu qu'on ne croit. Voilà une femme en qui j'avais confiance, qui a l'air si simple, si honnête, en tout cas, si même elle était légère, qui semblait bien normale et saine dans ses goûts. Sur une dénonciation invraisemblable, je l'interroge, et le peu qu'elle m'avoue révèle bien plus que ce qu'on eût pu soupçonner. » Mais il ne pouvait pas se borner à ces remarques désintéressées. Il cherchait à apprécier exactement la valeur de ce qu'elle lui avait raconté, afin de savoir s'il devait conclure que ces choses, elle les avait faites souvent, qu'elles se renouvelleraient. Il se répétait ces mots qu'elle avait dit. « Je voyais bien où elle voulait en venir. » « Deux ou trois fois. » « Cette blague. » Mais il ne reparaissait pas désarmé dans la mémoire de Swann. Chacun d'eux tenait son couteau et lui emportait un nouveau coup. Pendant bien longtemps, comme un malade ne peut s'empêcher d'essayer à toute minute de faire le mouvement qui lui est douloureux, il se redisait ces mots. « Je suis bien ici. Cette blague !» Mais la souffrance était si forte qu'il était obligé de s'arrêter. Il s'émerveillait que des actes que toujours il avait jugés si légèrement, si gaiement, maintenant fussent devenus pour lui graves comme une maladie dont on peut mourir. Il connaissait bien des femmes à qui il eût pu demander de surveiller Odette. Mais comment espérer qu'elles se placeraient au même point de vue que lui et ne resteraient pas à celui qui avait été si longtemps le sien, qui avait toujours guidé sa vie voluptueuse, ne lui dirait pas en riant « Vilain jaloux qui veut priver les autres d'un plaisir !» Par quelle trappe soudainement abaissée, Lui qui n'avait eu autrefois de son amour pour Odette que des plaisirs délicats, avait-il été brusquement précipité dans ce nouveau cercle de l'enfer d'où il n'apercevait pas comment il pourrait jamais sortir? Pauvre Odette, il ne lui en voulait pas, elle n'était qu'à demi coupable. Ne disait-on pas que c'était par sa propre mère qu'elle avait été livrée, presque enfant, à Nice, à un riche Anglais? Mais quelle vérité douloureuse prenait pour lui ces lignes du journal d'un poète d'Alfred de Vigny qu'il avait lu avec indifférence autrefois. Quand on se sent pris d'amour pour une femme, on devrait se dire « Comment est-elle entourée? Quelle a été sa vie? Tout le bonheur de la vie est appuyé là-dessus. » Swann s'étonnait que de simples phrases épelées par sa pensée comme « Cette blague! Je voyais bien où elle voulait en venir !» puisse lui faire si mal. Mais il comprenait que ce qu'il croyait de simples phrases n'était que les pièces de l'armature entre lesquelles tenait, pouvait lui être rendue, la souffrance qu'il avait éprouvée pendant le récit d'Odette. Car c'était bien cette souffrance-là qu'il éprouvait de nouveau. Il avait beau savoir maintenant, même il eut beau, le temps passant, avoir un peu oublié, avoir pardonné, au moment où il se redisait ces mots, la souffrance ancienne le refaisait tel qu'il était avant qu'Odette ne parlât, ignorant, confiant. Sa cruelle jalousie le replaçait, pour le faire frapper par l'aveu d'Odette, dans la position de quelqu'un qui ne sait pas encore, et au bout de plusieurs mois, cette vieille histoire le bouleversait toujours comme une révélation. Il admirait la terrible puissance recréatrice de sa mémoire. Ce n'est que de l'affaiblissement de cette génératrice dont la fécondité diminue avec l'âge qu'il pouvait espérer un apaisement à sa torture. Mais quand paraissait un peu épuisé le pouvoir qu'avait de le faire souffrir un des mots prononcés par Odette, alors un de ceux sur lesquels l'esprit de Swann s'était moins arrêté jusque-là, un mot presque nouveau, venait relayer les autres et le frappait avec une vigueur intacte. La mémoire du soir où il avait dîné chez la princesse des Laumes lui était douloureuse, mais ce n'était que le centre de son mal. Celui-ci irradiait confusément alentour dans tous les jours avoisinants. Et à quelque point d'elle qu'il voulut toucher dans ses souvenirs, c'est la saison tout entière où les Verdurin avaient si souvent dîné dans l'île du Bois qui lui faisait mal. Si mal que, peu à peu, les curiosités qu'excitait en lui sa jalousie furent neutralisées par la peur des tortures nouvelles qu'il s'infligerait en l'y satisfaisant. Il se rendait compte que toute la période de la vie d'Odette écoulée avant qu'elle ne le rencontrât, période qu'il n'avait jamais cherché à se représenter, n'était pas l'étendue abstraite qu'il voyait vaguement, mais avait été faite d'années particulières, remplies d'incidents concrets. Mais en les apprenant, il craignait que ce passé incolore, fluide et supportable, ne prît un corps tangible et immonde, un visage individuel et diabolique. Et il continuait à ne pas chercher à le concevoir, non plus par paresse de pensée, mais par peur de souffrir. Il espérait qu'un jour il finirait par pouvoir entendre le nom de l'île du Bois, de la princesse des Laumes, sans ressentir le déchirement ancien. Et trouvait imprudent de provoquer Odette à lui fournir de nouvelles paroles, le nom d'endroits, de circonstances différentes qui, son mal à peine calmé, le ferait renaître sous une autre forme. Mais souvent les choses qu'il ne connaissait pas, qu'il redoutait maintenant de connaître, c'est Odette elle-même qui les lui révélait spontanément et sans s'en rendre compte. En effet, l'écart que le vice mettait entre la vie réelle d'Odette et la vie relativement innocente que Swann avait cru, et bien souvent croyait encore que menait sa maîtresse, cet écart, Odette en ignorait l'étendue. Un être vicieux, affectant toujours la même vertu devant les êtres de qui il ne veut pas que soient soupçonnés ses vices, n'a pas de contrôle pour se rendre compte combien ceux-ci, dont la croissance continue est insensible pour lui-même, l'entraîne peu à peu loin des façons de vivre normales. Dans leur cohabitation, au sein de l'esprit d'Odette, avec le souvenir des actions qu'elle cachait à Swann, d'autres peu à peu en recevaient le reflet, étaient contagionnés par elle, sans qu'elle pût leur trouver rien d'étrange, sans qu'elle détonasse dans le milieu particulier où elle les faisait vivre en elle. Mais si elle les racontait à Swann, il était épouvanté par la révélation de l'ambiance qu'elle trahissait. Un jour, il cherchait, sans blesser Odette, à lui demander si elle n'avait jamais été chez des entremetteuses. À vrai dire, il était convaincu que non. La lecture de la lettre anonyme en avait introduit la supposition dans son intelligence, mais d'une façon mécanique. Elle n'y avait rencontré aucune créance, mais en fait y était restée, et Swann, pour être débarrassé de la présence purement matérielle, mais pourtant gênante du soupçon, souhaitait qu'Odette l'extirpât. « Oh non, ce n'est pas que je ne sois pas persécutée pour cela !» ajouta-t-elle en dévoilant dans un sourire une satisfaction de vanité qu'elle ne s'apercevait plus ne pas pouvoir paraître légitime à Swann. Il y en a une qui est encore restée plus de 2 heures hier à m'attendre. Elle me proposait n'importe quel prix. Il paraît qu'il y a un ambassadeur qui lui a dit « Je me tue si vous ne me l'amenez pas ». On lui a dit que j'étais sortie. J'ai fini par aller moi-même lui parler pour qu'elle s'en aille. J'aurais voulu que tu vois comme je l'ai reçu. Ma femme de chambre qui m'entendait de la pièce voisine m'a dit que je criais à tue-tête. Mais puisque je vous dis que je ne veux pas, c'est une idée comme ça, ça ne me plaît pas. Je pense que je suis libre de faire ce que je veux tout de même. Si j'avais besoin d'argent, je comprends. Le concierge a ordre de ne plus la laisser entrer. Il dira que je suis à la campagne. Oh, j'aurais voulu que tu sois caché quelque part. Je crois que tu aurais été content, mon chéri. Elle a du bon tout de même, tu vois, ta petite Odette, quoi qu'on la trouve si détestable. D'ailleurs, ses aveux mêmes, quand elle lui en faisait, de fautes qu'elle le supposait avoir découvertes, servaient plutôt pour Swann de point de départ à de nouveaux doutes qu'il ne mettait un terme aux anciens. Car il n'était jamais exactement proportionné à ceux-ci. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l'essentiel, il restait dans l'accessoire quelque chose que Swann n'avait jamais imaginé, qui l'accablait de sa nouveauté et allait lui permettre de changer les termes du problème de sa jalousie. Et ses aveux, il ne pouvait plus les oublier. Son âme les charriait, les rejetait, les berçait comme des cadavres, et elle en était empoisonnée. Une fois, elle lui parla d'une visite que Forcheville lui avait faite le jour de la fête de Paris-Murcie. « Comment, tu le connaissais déjà ?»« Ah oui, c'est vrai, » dit-il en se reprenant pour ne pas paraître l'avoir ignoré. Et tout d'un coup, il se mit à trembler à la pensée que le jour de cette fête de Paris-Murcie, où il avait reçu d'elle la lettre qu'il avait si précieusement gardée, elle déjeunait peut-être avec Forcheville à la Maison d'Or. Elle lui jura que non. Pourtant, la Maison d'Or me rappelle je ne sais quoi que j'ai su ne pas être vrai, lui dit-il pour l'effrayer. Oui, que je n'y étais pas allée le soir où je t'ai dit que j'en sortais quand tu m'avais cherché chez Prévost, lui répondit-elle, croyant à son air qu'il le savait, avec une décision où il y avait, beaucoup plutôt que du cynisme, de la timidité, une peur de contrarier Swann et que par amour-propre elle voulait cacher, puis le désir de montrer qu'elle pouvait être franche. Aussi frappa-t-elle avec une netteté et une vigueur de bourreau et qui était exempte de cruauté, car Odette n'avait pas conscience du mal qu'elle faisait à Swann. Et même elle se mit à rire. Peut-être, il est vrai, surtout pour ne pas avoir l'air humilié, confus. C'est vrai que je n'avais pas été à la Maison Dorée, que je sortais de chez Forcheville. J'avais vraiment été chez Prévost, ça, c'était pas de la blague. Il m'y avait rencontré et m'avait demandé d'entrer regarder ses gravures. Mais il était venu quelqu'un pour le voir. Je t'ai dit que je venais de la Maison d'Or parce que j'avais peur que cela ne t'ennuie. Tu vois, c'était plutôt gentil de ma part. Mettons que j'ai eu tort, au moins je te le dis carrément. Quel intérêt aurais-je à ne pas te dire aussi bien que j'avais déjeuné avec lui le jour de la fête Paris-Murcie, si c'était vrai ? D'autant plus qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore beaucoup tous les deux, dit chérie.